Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a reluit sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort. Tu as multiplié la nation, tu lui as accru la joie, ils se réjouiront devant toi, comme on se réjouit en la moisson, comme on s'égaie quand on partage le butin. Car tu as mis en pièces le joug dont il était chargé, et le bâton dont on lui battait ordinairement les épaules, et la verge de son exacteur, comme au jour de Madian. Parce que tout choc de ceux qui se battent se fait avec tumulte, et que les vêtements sont vautrés dans le sang, mais ceci sera comme un embrasement, quand le feu dévore quelque chose. Car l'enfant nous est né, le fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule, et on appellera son nom, l'admirable, le conseiller, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité, le Prince de paix. Il n'y aura point de fin à l'accroissement de l'empire et à la prospérité sur le trône de David, et sur son règne, pour l'affermir et l'établir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours, la jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Le Seigneur a envoyé la parole en Jacob, et elle est tombée en Israël. Et tout le peuple, savoir, Ephraïm, et les habitants de Samarie, le connaîtront, et néanmoins ils diront avec orgueil et avec un cœur hautain. Les briques sont tombées, mais nous bâtirons de pierres de taille, les figuiers sauvages ont été coupés, mais nous les changerons en cèdres. Après que l'Éternel aura élevé les ennemis de Retsin au-dessus de lui, il amènera aussi pêle-mêle les ennemis d'Israël. La Syrie du côté d'Orient, et les Philistins du côté d'Occident, qui dévoreront Israël à gueule ouverte. Malgré tout cela, il ne fera point cesser sa colère, mais sa main sera encore étendue. Parce que le peuple ne se sera point retourné jusqu'à celui qui le frappait, et qu'ils n'auront pas recherché l'Éternel des armées. À cause de cela, l'Éternel retranchera d'Israël en un jour la tête et la queue, le rameau et le jonc. L'ancien est l'homme d'autorité, c'est la tête, et le prophète enseignant mensonge, c'est la queue. Ceux donc qui font accroire à ce peuple qu'il est heureux, se trouveront des séducteurs, et ceux à qui on fait accroire qu'ils sont heureux, seront perdus. C'est pourquoi le Seigneur ne prendra point plaisir à ces jeunes gens d'élite, et n'aura point pitié de ces orphelins, ni de ces veuves, car tous, tant qu'ils sont des hypocrites, et des gens malins, et toute bouche ne profère que des infamies. Malgré tout cela, il ne fera point cesser sa colère, mais sa main sera encore étendue. Car la méchanceté est embrasée comme un feu, elle dévorera les ronces et les épines, et s'allumera dans les lieux les plus épais de la forêt, qui se perdront en s'élevant, comme une fumée qui monte. La terre sera obscurcie à cause de la fureur de l'Éternel des armées, et le peuple sera comme la pâture du feu, l'un n'aura point compassion de l'autre. Il ravira à main droite, et il aura faim, il mangera à main gauche, et ils ne seront point rassasiés, chacun mangera la chair de son bras. Manassé dévorera Ephraïm, et Ephraïm dévorera Manassé, eux ensemble seront contre Juda. Malgré tout cela, il ne fera point cesser sa colère, mais sa main sera encore étendue.